Voyons maintenant quelques verbes en ir. Contrairement aux verbes en ar, qui sont généralement des verbes disciplinés, les verbes en ir présentent, à règle générale, plus de difficultés. Revoyons d'abord des verbes en ir réguliers. Admettre se dit admitir. A-D-M-I-T-I-R. C'est un verbe régulier. Je vous le répète. Admitir. Comment diriez-vous alors, en utilisant le passé avec plongeoir et pastel, P-A-S-T-E-L, pour gâteau, je l'admets, j'ai mangé tout le gâteau. Lo admito, he comido todo el pastel. Lo admito, he comido todo el pastel. Pastel signifie donc gâteau et sert aussi à désigner une couleur pastel. Et n'utilisez jamais un gâteau, G-A-T-O, pour désigner un gâteau, puisque ce mot est un faux ami et signifie en fait un chat. Essayez maintenant de deviner le verbe insister en espagnol, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de différence avec le français et que l'on est en train de voir des verbes en ir. Donc, à votre avis, comment dit-on en espagnol? Eh oui, c'est insistir, qui s'écrit exactement comme il se prononce. I-N-S-I-S-T-I-R. Et en espagnol, pour insister sur, on a insistir en, E-N, ou insistir sobre, S-O-B-R-E. Médecin se dit médico, M et accent aigu, D-I-C-O, et sport, deporte, D-E-P-O-R-T-E. Comment diriez-vous donc? Les médecins insistent sur l'importance de faire du sport. Du ne se traduit pas en espagnol. Los médicos insisten en la importancia de hacer deporte. Los médicos insisten en la importancia de hacer deporte. O insisten sobre la importancia de hacer deporte. Je crois bien aussi que vous avez retrouvé facilement importance. Importancia. En français, après insister, on emploie souvent sur le fait que ou pour. Cette structure se traduit par insistir en que en espagnol. En que, en deux mots. En, puis Q-U-E. Comment diriez-vous alors, en gardant en tête que l'on utilise « a » entre un verbe et un nom ou un groupe de noms désignant une ou plusieurs personnes? Il insistait sur le fait qu'il voulait inviter tous ses amis. Insistía en que quería invitar a todos sus amigos. Insistía en que quería invitar a todos sus amigos. On a utilisé le temps des longueurs car l'action décrite est continue. Elle a duré un certain temps dans le passé. Tout à l'heure, nous avons vu « admitir » pour « admettre ». Comment diriez-vous alors, en suivant le même modèle, « omettre » ? C'est bien « omitir ». Dans ces verbes, la terminaison « mettre » M-E-T-R-E se transforme souvent en mitir, M-I-T-I-R. Admettre, admitir, omettre, omitir, transmettre, transmitir, émettre, émitir, etc. Comment diriez-vous maintenant, en vous adressant à une personne que vous voyez, ne le mettez pas. C'est un ingrédient très important. Commencez par dire ne le mettez pas. No lo omita. No lo omita. Vous changez de chemin, c'est-à-dire que vous passez des terminaisons « e » à « a », vu que c'est un ordre négatif. Et, dans ce cas, le « lo » se place devant le verbe, comme en français. Comment diriez-vous maintenant? C'est un ingrédient très important. Es un ingrediente muy importante. Es un ingrediente muy importante. Dites maintenant la phrase d'une traite. Ne l'omettez pas. C'est un ingrédient très important. No lo omita. Es un ingrediente muy importante. No lo omita. Es un ingrediente muy importante. Voici un autre verbe en ir. Souffrir. Souffrir se dit souffrir. S-U-F-R-I-R. Comment diriez-vous alors en parlant d'une personne qui traversait une mauvaise période? Elle souffrait beaucoup. Sufría mucho. Sufría mucho. En fait, lorsque l'on dit sufría mucho, la traduction pourrait être il souffrait beaucoup ou elle souffrait beaucoup. Dans une phrase isolée, comme celle-ci, on ne peut pas savoir quel est le véritable sujet. Mais dans une conversation, vous saurez toujours de qui on parle. Maintenant, si recevoir se dit recibir, R-E-C-I-B-I-R, plongez dans le passé et dites « J'ai reçu votre lettre aujourd'hui ». He recibido su carta hoy. He recibido su carta hoy. Regalo. R-E-G-A-L-O. Signifie cadeau. Comment diriez-vous alors? J'ai reçu votre cadeau hier. Merci. Recibí su regalo ayer. Gracias. Recibí su regalo ayer. Gracias. On a utilisé ici le passé sans plongeoir, car l'action décrite est bel et bien terminée, vu qu'elle a eu lieu hier. Ayer.